Quand la lune est au soir, le soleil est parti outre-mer, briller sur un lac gelé, rayonner sur un mont enneigé, ou tout simplement sur l'eau. La poésie s'écrit sur des chèques bancaires, des billets verts. C'est la bourse ou la vie. Et la vie est une poésie qui de l'unité se multiplie. À tout va, elle rime ou se maquille, ou encore se promène nue, comme une femme qui veut séduire. Mais son propos n'est pas là. C'est au-delà des mots qu'elle se situe, dans ce qui ne s'écrit pas. Ces jours-ci n'ont pas été toujours gris. Le soleil, à l'occasion, est venu à l'horizon. Sur le tapis des feuilles mortes, j'ai fait un pas en direction de la ville. Elle s'est endormie sous un ciel rouge. Demain, peut-être, il sera bleu au point du jour. Les grands arbres appartiennent à l'élégance que la nature, dans sa magnificence, met en évidence. Les ciels d'automne entonnent la beauté du soir. Sous le pont coule un fleuve, le reflet du soleil sur l'eau éblouit. Un nuage passe et dessine un oiseau. Et voici le colibri qui chante, et le voilà qui m'enchante, et le fleuve rejoint la mer. Une vague claque, l'enfant tombe à l'eau, devenu grand, il surfe sur la houle, et se repose au sommet des dunes. Au loin, la mer l'emmène, au lointain, il regarde la mer se déchirer. Tempête véhémente, petits et grands, dans tes ondulations tu prends. Ressac sur le quai, l'enfant parti s'abriter, regarde dehors ce qui se passe.